très bien compris. Depuis toi, je m'en balance de ma vie. J'attends la délivrance, que je sois maudit. Renie-moi qui mal y pense.